Bonjour à tous. Aujourd'hui, potée Lorraine pour 8 personnes. 1 kg de petits salés, 8 saucisses fumées, 500 g de lard fumé, 500 g de haricots blancs secs, 4 petits poireaux, 1 petit chou vert, 300 g de navets, 300 g de carottes, 8 pièces de pommes de terre, du gros sel et du poivre en grains. Faire tremper les haricots blancs la veille, préparer les légumes, ficeler les poireaux, verser dans un grand fitou les haricots blancs, le lard et le petit salé. Mouiller à hauteur d'eau, ne pas trop salé pour la cuisson. Mijoter 1h30, rajouter les saucisses encore 1 heure de cuisson, puis les pommes de terre entières 20 minutes. Une fois la cuisson terminée, dresser dans un grand plat de service la viande découpée, endourée de tous ses légumes, servir avec une sauce au réfort, c'est-à-dire échalote, vinaigre, crème épaisse entière. Pas conseillé, un gris de Toul à boire avec modération.